53 ans, chef d'entreprise dans la maroquinerie à Rouen et le propriétaire d'un atelier clandestin d'environ 5 ouvriers dans lequel travaille Mohamed. Mohamed, sans papier, s'est fait torturer par la police de son pays. Il est désormais réfugié en France et vit caché depuis l'application des lois Sarkozy. Sarkozy, maire de Neuilly et ministre de la Sécurité, marié depuis 6 ans avec Cécilia, qui est l'une des 8 ex-femmes du présentateur télé, Jacques Martin. Jacques Martin, qui a réussi à pistonner son fils pour qu'il travaille sur France 2 avant de présenter le jeu Le Monde est à vous, au cours duquel Fred a gagné un voyage de rêve. Fred, un ancien 68 heures converti au libéralisme. Depuis 3 mois, il adopte un comportement à la limite du harcèlement sexuel envers sa secrétaire, Monique Dupuis. Monique Dupuis, 44 ans, divorcée, est au bord de la dépression nerveuse. Elle a bien du mal à rembourser ses dettes et à payer les études de son fils unique, Franck Dupuis. Franck Dupuis, qui préfère qu'on l'appelle MC Fucker et qui espère percer dans la musique en plagiant les Américains avec un groupe minable qu'il a monté avec son pote Marco. Marco, 21 ans, dont la seule préoccupation est de fumer des pétards. C'est aussi son seul sujet de conversation, ce qui empêche toute communication avec son grand-père Fernand. Fernand, un ancien résistant qui est passé à l'ennemi puisqu'il milite maintenant au FN, ce qui ne l'empêche pas de mater sa voisine Fatima quand elle sort dehors en maillot de bain. Fatima, 25 ans, plutôt mignonne, elle travaille à la NPE depuis 2 ans, mais elle en a déjà marre, elle pense que la société est injuste et qu'il faudrait tout faire péter. C'est également l'avis de sa copine Stéphanie, journaliste pigiste qui s'auto-censure pour conserver son emploi à cause des gros cons d'annonceurs dans le genre de Richard. Ne zappez pas.